Les amis, je sais que nous ont promis d'encore continuer 45 minutes, mais écoute. Non, écoute, s'il vous plaît, silence. La police est devant la porte et on doit fermer maintenant.